La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Au menu de notre club cet après-midi, nous allons faire connaissance avec deux nouveaux candidats du concours Ma Thèse en 180 secondes. Ils seront sur la scène de la Maison de la Culture de Grenoble le 13 juin prochain pour la finale nationale. Et puis nous irons à Monaco avec Sophie Bécherel à la rencontre des tortues marines. On vous en dira plus dans un instant. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. Trop de bleu dans l'éclairage et dans les écrans, c'est aujourd'hui à la une de la science avec les risques liés au LED. Oui Mathieu, l'ANSES publie une mise à jour de son rapport sur l'exposition à la lumière bleu et durcit le ton, on fait le point dans un instant. Nathalie Poitevin réalise cette tête au carré qui a été préparée par Irène Menahem. La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter. Et je salue les invités de notre club cet après-midi, Léa Van de Vier, Robert Calcagno, Arthur Angèle Müller et Sophie Bécherel. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Et bienvenue, Léa Van de Vier, vous êtes doctorante à l'Université Bordeaux-Montaigne, au laboratoire Cognition, Langue, Langage, Ergonomie, au sein de l'équipe de recherche en syntaxe et sémantique. Je n'ai rien oublié. Pas du tout. Bon. Très bien. Alors, quel est le titre de la thèse que vous allez défendre au concours MT 180, Léa? Le titre est « La phonologie des consonnes rares, une approche typologique ». Oui, et comment on s'intéresse à ce sujet au départ? En fait, c'est en s'intéressant aux langues, surtout, dans la linguistique. Donc, je m'intéresse aux langues et aussi les systèmes sonores de ces langues. On va étudier ça avec vous, justement, dans quelques minutes. Arthur Angèle Müller, vous êtes, vous, doctorant à l'Université de Cergy-Pontoise, au laboratoire SATI. Ça signifie « Système et application des technologies de l'information et de l'énergie ». C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Quel est le thème, l'intitulé de votre thèse? Alors, ma thèse, c'est l'étude du délai de l'âge post-mortem de l'os humain par des méthodes ultrasonores. Bon, et qu'est-ce que ça veut dire en termes plus clairs, pour nous donner déjà un petit indice? Alors, j'essaye de dater des os humains grâce à des ultrasons, alors que d'habitude, c'est fait avec de la chimie. Ouais, vous travaillez avec qui pour ça? Avec la police en particulier? Je travaille, j'ai un partenariat avec la police criminelle de France, qui me fournit des échantillons. Bon, on va entrer dans le vif du sujet donc dans un instant. Sophie Bécherel, votre coup de cœur cette semaine, Sophie? Eh bien, pour les tortues marines, et oui. Robert Calcagno, directeur général de l'Institut océanographique de Monaco, est avec nous pour nous en parler, car il y a 2 semaines, a ouvert à la fois un centre de soins réservé aux tortues marines et un tout nouvel espace d'exposition. Alors, pour quelle raison cette espèce a-t-elle droit à autant d'honneur en cette année 2019, Robert Calcagno? Cette espèce a commencé à nager dans nos océans il y a 225 millions d'années. Elle a survécu plusieurs crises d'extinction et depuis maintenant 30 ou 40 ans, les 7 espèces de tortues marines sont toutes menacées. Il nous a semblé qu'il fallait réagir. Et on va vous retrouver dans un instant, évidemment, pour en parler. C'est aujourd'hui le club de la tête au carré. Voilà, attention quand même à la jolie petite lumière bleue chantée ici par Clara Huette, surtout celle des LED, elle est une de la science aujourd'hui, des résultats de plus en plus concernants publiés par l'ANSES, Axel Villard. Oui Mathieu, l'agence a dévoilé mardi la mise à jour de ses recommandations pour limiter l'exposition à la lumière bleue. Les résultats scientifiques récents confirment sa toxicité pour la rétine, les perturbations sur le sommeil, surtout celui des enfants, et l'impact sur la biodiversité. Il va falloir certainement revoir la manière de commercialiser et d'utiliser les LED, et nous en parlons avec vous, Olivier Merkel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'unité risque physique pour l'ANSES qui a publié ce rapport. Qu'est-ce qui a motivé cette mise à jour du rapport Lumière Bleue, hein, dont le premier volet était paru en 2010? Est-ce que les usages ont changé ou les résultats scientifiques se sont précisés? Alors deux éléments principaux. D'abord, les LED aujourd'hui, elles sont partout dans notre environnement. Il y a une directive européenne qui cherchait à améliorer l'efficacité énergétique de l'éclairage et donc qui a interdit les lampes à incandescence et les lampes halogènes. Du coup, depuis en gros la fin de 2018, on ne trouve plus ces lampes sur le marché, donc on ne trouve plus quasiment que des LED. Ça, c'est le premier élément. Donc aujourd'hui, on est éclairé partout par des LED. En plus, il y a tous nos écrans, smartphones, ordinateurs, etc., qui sont éclairés par des LED. Et puis, des éléments effectivement scientifiques, de nouvelles données, de nouvelles études sur les effets, notamment de la lumière bleue sur la rétine en particulier, et puis sur nos rythmes circadiens. Alors, parmi les points préoccupants concernant les LED que vous mettez en avant dans le rapport, il y a la toxicité de la lumière bleue pour la rétine et son effet sur le cycle circadien. Les deux sont liés à la vision, mais les causes sont complètement différentes. Oui, donc c'est bien la lumière bleue qui, dans les deux cas, est à l'origine de ces effets, et pourtant des mécanismes finalement complètement différents. Donc il faut s'intéresser effectivement, donc en premier lieu, c'est l'élément, je dirais, le plus probant que l'on apporte, c'est les effets sur les rythmes biologiques. En réalité, on sait que nos rythmes de veille-sommeil, nos rythmes circadiens sont régulés par la lumière, par notre exposition à la lumière. Ça date pas d'aujourd'hui, on a été finalement construit par la nature. Le soleil se lève le matin avec une lumière plutôt orangée. À midi, on a une lumière très froide, très bleue avec le soleil. Et puis progressivement, lorsque le soleil se couche, on a des lumières orangées, etc. Et finalement, notre œil est habitué et est conçu pour ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, avec les LED qui émettent beaucoup plus de bleu que d'autres éclairages, si on est éclairé le soir par une lumière chargée en bleu, on va complètement perturber nos rythmes. On n'est pas du tout habitué à ça. C'est pourquoi on recommande évidemment aujourd'hui de limiter en fait notre exposition à ces lumières bleues. Une des moyens les plus simples d'éviter d'être perturbé dans nos rythmes et d'avoir des problèmes de sommeil en particulier, d'endormissement, c'est de pas trop utiliser d'écran le soir. On sait que des faibles quantités de lumière bleue peuvent finalement annuler ou perturber la sécrétion de mélatonine et donc complexifier notre rythme. C'est l'hormone de l'endormissement, c'est oui, ça. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que il y a cette régulation de l'hormone qui est réalisée par l'exposition à la lumière. Il faut de la lumière le jour. Par contre, il en faut moins la nuit. Alors, les téléphones et ordinateurs récents ont une fonctionnalité qui permet de modérer ou en tout cas de moduler la température de couleur en soirée. Est-ce que vous conseillez de l'utiliser ? Est-ce que vous avez testé ces dispositifs ? Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est peut-être le moyen le plus efficace de diminuer notre exposition à la lumière bleue. Pour autant, on n'est pas totalement sûr que l'effet, en particulier sur la dérégulation des rythmes biologiques, soit parfaitement prouvé. Tout simplement parce que il faut en fait une très faible quantité de lumière bleue pour perturber nos rythmes. Donc, sur la question du conseil, oui, non ? Quand même, on peut essayer ? Oui, on peut essayer, bien sûr, puisqu'évidemment, la question de la perturbation, c'est très lié à des variabilités personnelles. Donc, on va avoir des personnes chez qui ça va marcher, et puis peut-être d'autres, ça ne marchera pas. Alors, l'autre volet du rapport, c'est les dégâts sur l'œil en lui-même. Que se passe-t-il spécifiquement dans notre œil quand il reçoit trop de lumière bleue ? On le sait mieux maintenant. Oui, donc là, c'est effectivement un autre aspect, d'autres mécanismes. On sait déjà depuis un certain nombre d'années que la lumière bleue a un impact sur la rétine, en particulier, ça va produire du stress oxydant sur les cellules de la rétine, une accumulation finalement de déchets, notamment au niveau des cellules rétiniennes, et puis à terme provoquer des problèmes de vue, voire une DMLA, donc une dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est des choses qu'on connaît bien, notamment il y a eu des études épidémiologiques, en particulier chez des populations de guides de haute montagne, donc qui sont très exposés à de la lumière bleue, forcément plus que nous au niveau de la mer. Et le changement finalement avec les LED, c'est qu'aujourd'hui on amène beaucoup plus de lumière bleue, en particulier dans l'éclairage artificiel. Donc on surajoute de l'exposition à la lumière bleue. Et la question, c'est à long terme, est-ce que ces surexpositions peuvent avoir un impact sur la santé, en particulier sur les dégâts sur la rétine ? Mais au final, quand on vous écoute, Olivier Merkel, le problème, ce ne sont pas les LED, mais c'est la lumière bleue qu'on choisit de leur faire émettre, si j'ai bien compris. Est-ce qu'on ne pourrait pas régler ou changer la longueur d'onde ? Les fabricants n'ont pas un rôle à jouer là-dedans ? Alors effectivement, en soi, ce n'est pas la LED le problème. La technologie en elle-même, même si effectivement elle comporte par rapport aux autres solutions d'éclairage beaucoup plus de bleu, mais c'est finalement la manière dont on la conçoit et la manière dont on l'utilise. Donc les recommandations qu'on peut faire, c'est bien évidemment de prendre en considération ces effets de la lumière bleue sur l'œil, sur les rythmes circadiens, et du coup de proposer des LED qui émettent moins de bleu. Il y a des solutions techniques qui existent pour ça. Et puis nous, dans nos comportements quotidiens, c'est justement adapter nos comportements. Moins d'écran, en particulier pour les enfants, ça c'est très important le soir, pour éviter des problèmes d'endormissement. On sait que le cristallin des enfants est totalement transparent à la lumière bleue, ce qui n'est pas le cas des adultes et des personnes âgées. Donc voilà, d'où cette importance particulière pour les enfants. Alors il y a un dernier volet dans le rapport qui est nouveau et qui concerne spécifiquement l'environnement et la biodiversité. Là encore, le problème n'est pas forcément lié aux LED, mais à la lumière en général. Les LED ont juste participé à ce qu'il y en ait plus. Oui, en fait, la question de l'exposition des écosystèmes, des espèces animales, de la faune, la flore à la lumière la nuit ne date pas d'aujourd'hui. Hein. On sait que le fait d'exposer un milieu naturel à la lumière la nuit perturbe complètement les relations, en particulier entre les espèces dans cet écosystème. Ça a pour effet, en particulier, de diminuer drastiquement la biodiversité. Et le problème avec les LED, c'est qu'elles émettent plus de bleu. Et donc, si on profite, je dirais, des LED parce qu'elles sont moins chères à fabriquer, parce qu'on peut en mettre plus, pour en mettre plus, c'est clairement une très très mauvaise idée. Donc il faut impérativement profiter de l'occasion pour diminuer l'exposition, diminuer la pollution lumineuse, et les LED permettent finalement d'adapter leur niveau d'éclairage très facilement, très rapidement. On peut comme ça éteindre ou moduler, je dirais, l'intensité lumineuse au passage des personnes quand c'est nécessaire, par exemple pour la sécurité, tout en protégeant l'environnement. Oui, donc en fait, c'est juste qu'on a fait les choses dans le mauvais sens. La technologie est facile à utiliser et on devrait s'en servir pour éclairer intelligemment l'extérieur, c'est plutôt ça, c'est-à-dire que de suréclairer. Oui, s'il faut remplacer, par exemple, de l'éclairage public, aujourd'hui, il faut impérativement prendre l'opportunité des LED pour moins éclairer, beaucoup mieux, pas diriger vers le ciel et éviter donc tous ces problèmes pour l'environnement. Alors vous appelez aussi à encadrer et légiférer dans le rapport, puisque vous allez jusqu'à faire des propositions. Oui, alors un certain nombre de propositions, évidemment à destination de tout le monde, hein, éviter d'utiliser des écrans le soir, ne pas faire attention aux éclairages très intenses des objets, par exemple des lampes torches ou des phares automobiles, évidemment éviter de les regarder en pleine face. Et puis un certain nombre de recommandations, par exemple pour les dispositifs de protection, on voudrait que le grand public ait accès à une information claire pour savoir si oui ou non, quand on achète une paire de lunettes, est-ce que ça nous protège effectivement des effets à long terme de la lumière bleue ou de problèmes liés au rythme circadien? Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y a pas d'alternative au LED aujourd'hui. C'est le meilleur éclairage, le plus économique. Enfin, on ne peut pas passer à autre chose. En tout cas, je dirais qu'on est passé là en quelques années de l'incandescence et de l'halogène. Encore une fois, pour des questions d'efficacité énergétique au LED, on n'a pas le choix. Voilà, ouais. Aujourd'hui, tout est utilisé avec des LED, que ce soit l'éclairage, que ce soit la signalisation, etc. Voilà, donc il faut s'adapter et les LED doivent s'adapter aux problèmes éventuels qu'elles pourraient poser sur la santé. Donc en fait, les LED sont faciles à bien utiliser, il suffit de le faire. On peut, il faut le faire. Merci beaucoup Olivier Merkel, vous êtes responsable donc de cette unité risque physique pour l'ANSES et vous avez piloté le rapport dont nous parlions à l'instant. Axel, bon week-end, on se retrouve lundi à la Une de la Science. Merci Mathieu, à lundi. Et le club dans un instant. Des baisers brûlés. Kiev, c'était Vanessa Paradis, extrait de son dernier album. Et dans le club, cet après-midi, deux nouveaux candidats du concours Mathèse en 180 secondes et des Tortues Marines à Monaco. C'est parti. La tête au carré, Mathèse en 180 secondes sur France Inter. À toi. Voilà, les deux candidats que nous recevons cet après-midi ont brillamment réussi les sélections de MT 180. Ils seront donc à Grenoble le 13 juin prochain. C'est un jeudi soir à la Maison de la Culture pour la finale nationale organisée par le CNRS, la CPU, en partenariat bien sûr avec France Inter et La Tête au Carré. Léa Van de Vire et Arthur Angèle Muller, on va donc faire connaissance avec vous cet après-midi. Vous allez nous présenter vos sujets de thèse. Alors c'est la question que je pose à chacun de vos camarades lorsqu'ils viennent. Et pourquoi est-ce que vous avez eu envie de participer à ce concours, ma thèse en 180 secondes, Léa Van de Vire? Par exemple, en fait, c'était ma directrice de thèse qui m'a demandé de le faire. Donc, ah, vous n'avez pas eu le choix carrément? Si, j'ai quand même eu le choix, mais elle m'en a parlé, on a discuté un petit peu. Je connaissais un peu my 3-minute thesis aux États-Unis, ouais. Et donc je me suis dit, bon. Ça, j'ai jamais fait parce que j'ai jamais fait un doctorat aux États-Unis. Je l'ai fait qu'en France. Ouais. Et donc, je dis, bon, ça serait un bon défi, un bon challenge d'essayer de le faire et de laisser de le faire dans une autre langue. Ouais. Ça aussi. Donc, ça a commencé comme ça. C'était juste une idée qu'on m'a donnée et j'ai un peu lancé le défi comme ça. Vous êtes américaine d'origine? Oui, tout à fait. Vous êtes arrivée quand en France? Il y a presque 9 ans. Ah oui. Et vous parlez extrêmement bien notre langue. C'est très gentil. En tant que linguiste, c'est plutôt bien aussi. C'est surtout vrai. Il y a un peu de pression, oui, quand on dit qu'on est linguiste. Ben oui, ouais. Mais c'est vrai que vous parlez très très bien le français. C'est gentil. Combien de langues est-ce que vous parlez d'ailleurs? On va dire que je ne parle que vraiment deux langues au quotidien, mais en tant que linguiste, en fait, on joue avec beaucoup de langues. Ouais. Donc on hésite à dire qu'on parle plusieurs langues, sauf si c'est dans le cas où on travaille vraiment avec. Souvent, les linguistes, c'est 2 à 3 langues. Normalement, ouais. On pense que c'est plus que ça, mais... Normalement, c'est ça. On va y revenir dans un instant, mais évidemment, votre sujet de thèse a un rapport direct avec la linguistique. Et vous, Arthur Angèle Muller, qu'est-ce qui vous a motivé alors? Vous aviez déjà l'habitude de monter sur scène ou pas? Alors, j'avais déjà l'habitude de monter sur scène puisque je fais de la musique, mais c'est la première fois que je parle en public. Donc, ouais. Dans mon laboratoire, beaucoup de doctorants passaient par MT 180. Donc je devais les suivre. Ah bon, vous vous sentiez obligé? J'étais aussi obligé. Il y a eu une pression du groupe. C'est ça. Ouais. Et d'un autre côté, je regarde énormément de vidéos de vulgarisation et j'aime énormément l'exercice. Donc, ouais. J'avais envie de m'y prêter. Qui sont les vulgarisateurs scientifiques, tiens, qui vous intéressent, vous, sur le web? Quels sont ceux que vous avez repérés? Alors, je dirais en ce moment, hygiène mentale. Ouais. Astrono-geek. Ouais. Y penser, bien sûr, mais c'est le plus connu. Ouais. Y en a plein d'autres, là, je les ai pas forcément en tête, mais j'essaye de suivre plusieurs domaines différents. Ouais. Léa Van de Vire, est-ce que vous aussi, vous avez des youtubeurs de référence? Oui, en fait, c'est une linguiste qui un peu, c'est quelqu'un qui vulgarise la linguistique un peu pour tout le monde, ce qui est intéressant et qui je connais depuis un petit moment, qui est John McWhorter. Uh-huh. Et donc, c'est quelqu'un qui est très intéressant, qui a un podcast qui s'appelle Lexicon Valley, qui est très intéressant aussi. Ouais. Et, oui. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est comme ça aussi qu'on apprend, hein, par tous ces supports, parce qu'il y en a énormément, en plus dans le domaine de la science, hein, ouais, et dans toutes fait. Les disciplines. Donc, ouais, c'est très pratique parce qu'on trouve toujours quelque chose en rapport avec ces recherches. Léa Van de Vire, encore un mot avant de parler de votre thèse. On a quand même le sentiment que l'exercice de la prise de parole est beaucoup plus ancré dans la culture anglo-saxonne que chez nous, les Français. On voit vraiment la différence, hein, quand on voit les concours aux États-Unis ou en France. Il n'y a quand même pas la même capacité à vulgariser. Vous faites ça depuis le plus jeune âge. La prise de parole, c'est quelque chose chez les jeunes Américains en particulier qui est tout à fait normal. Hein. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est très important dans la culture américaine. C'est quelque chose qu'on commence à faire vraiment à l'école, quand on ouais. est très très petit, à se présenter, à présenter quelque chose, à ramener son nounou en cours et présenter à tout le monde. Et on fait ça jusqu'à la fac. C'est quelque ouais. chose qui est très important pour nous et quelque chose qu'on apprécie énormément. Ouais. Notamment les TED Talks qui commencent à faire... son chemin aussi en France. Allez, on va rentrer dans les sujets justement et dans vos travaux. Alors, Léa, précisément, la linguistique, c'est votre domaine. Et on va redonner peut-être la thèse que vous défendez, comme ça on va se remettre le sujet en tête. Oui, tout à fait. C'est la phonologie des consonnes rares, une approche typologique. Ouais, comment on s'intéresse à un tel sujet? La phonologie et les consonnes rares. Comment on choisit ça, franchement? C'est vrai. Donc la phonologie, en fait, c'est mon domaine de la linguistique. Et ce qu'on étudie, c'est les systèmes sonores des langues. Donc c'est différent que la phonétique, parce que la phonétique, ça va être les sons, ce qui est mesurable, physique. On parle de l'acoustique, ça c'est la phonétique. La phonologie, c'est comment ces sons, l'interaction en fait entre ces sons parmi certaines langues. C'est spécifique à une langue à l'autre. Ouais. Et donc, moi je m'intéressais, ça c'est mon domaine, ce qui m'intéresse depuis les débuts de mes études en linguistique. Et pour les consonnes rares, moi, j'ai commencé à regarder les sons qu'ils étaient présents dans très peu de langues dans le monde. Et j'ai creusé un peu comme ça. J'ai commencé ma piste de thèse comme ça. Bon, on va écouter un extrait de votre prestation lors de la finale régionale, précisément, pour voir un petit peu ce que ça donne sur scène. Voici donc Léa Van de Veer. Yalam, gbga, khun, twelfth. Non, je ne suis pas une doctorante en train de faire une crise, je vous assure. Je viens de prononcer 4 mots dans 4 langues très différentes. Mais ces 4 mots ont quelque chose de très important en commun. Et moi, en tant que linguiste, je cherche à comprendre. Mais vous allez me demander, hé, la linguiste, dites-nous, que veut dire ces 4 mots alors? Et je vais vous dire, je ne sais pas. Parce que moi, je ne suis pas une linguiste normale. Enfin, je ne suis pas spécialement bizarre non plus. Mais moi, je n'étudie pas les sens des mots, j'étudie les sons des langues. Mais c'est quoi un linguiste? Tout d'abord, un linguiste ne parle pas forcément plusieurs langues. Un linguiste est quelqu'un qui adore tellement les langues, qui veut les découper en millions de morceaux et essayer de les rassembler pour voir comment elles fonctionnent. On est un peu comme les mécaniciens. On adore soulever le capot pour farfouiller dans les moteurs des langues. Voilà, et il faut trouver des images, hein. C'est toujours la même chose pour parler de son sujet de thèse. Donc vous, c'était mettre quasiment les mains dans le cambouis de la linguistique. Ouais. Ouais. C'est peut-être mon côté américain aussi de jouer avec les voitures, je sais pas. C'est ça. C'est quoi ces sons qu'on a entendus au début? Vous pourriez nous les refaire d'ailleurs? Oui, bien sûr. Sons. Donc en fait, quand on parle des consonnes rares, on parle de 4 catégories des consonnes rares. Donc on a ce qu'on appelle les labio-velaires, ce qui sont comme b ou gb ou kb. Qu'on a surtout en Afrique et dans le sud-est d'Asie des fois. Ouais. On a aussi les pharyngales, ce qui fait au niveau de la pharynx, qui est plutôt comme ça. Ouais. Et en fait, je m'entraînais dans le train pour tout ça, donc tout le monde me regardait un peu bizarrement. On a aussi les consonnes à clic, et ça, ce qui est... Exactement, on trouve ça que dans 2 familles linguistiques en Afrique. Mais il y a des centaines de clics qu'on peut produire, justement. Il y a une langue qui a presque 80 clics dans sa langue, 80 clics différentes. Comme pour nous, T, D, C, c'est exactement ça. Donc on a... Ouais. Robert Calcagnon, on ne clique pas à Monaco, évidemment. Hein. On essaie de se retenir. Les tortues non plus, j'imagine. Elles sont plutôt silencieuses. Et on a une 4e classe qui est en fait les consonnes TH, comme on a en anglais avec TH et THE. Et même si c'est parlé par les locuteurs d'anglais, donc on pense que c'est pas du tout rare, en fait, ce qui est rare, c'est le nombre de langues dans lesquelles on peut trouver ces consonnes. Ouais, et donc ça, c'est votre objet de recherche. Exactement. Hein. Alors, qu'est-ce que vous essayez de démêler dans tout ça, finalement, alors, autour de ces consonnes rares, alors? Oui, tout à fait. En fait, j'ai essayé d'expliquer pourquoi. Pour moi, je travaille surtout avec les consonnes TH, parce que parmi toutes ces catégories, en fait, exactement comme vous avez dit, monsieur Vidard, pour les consonnes à clic, vous avez tout de suite réparé, ah oui, consonnes à clic en Afrique. Oui. Et on pense comme ça pour les pharyngales et les labio-velaires aussi. On a une idée en tête dans l'endroit géographique, une famille linguistique qui est représentative de ces consonnes. Avec les sons TH, pas du tout. On est partout dans le monde avec le grec moderne, l'anglais, les langues amérindiennes, les langues indigènes en Australie. On est un peu partout. Et donc moi, j'essaie d'expliquer, trouver des explications pourquoi ces consonnes sont dans certaines langues, mais pas d'autres. Ouais. Et ces consonnes rares, ça va vous amener vers quoi alors, a priori, Léa Van de Veer? C'est quoi la suite? Après la thèse. Eh oui. Mais on verra bien. J'espère continuer à faire mes recherches parce qu'on n'est jamais fini. Juste parce qu'on a fini une thèse, ça veut pas dire que la recherche est finie. Ouais. Vous avez envie de partir défendre aussi un certain nombre de ces langues qui peut-être sont amenées à disparaître? Ah oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Les langues, on a à peu près 6000, entre 6000 et 700 langues dans le monde aujourd'hui. Et on perd une langue tous les 15 jours. Oui, c'est vrai. Et donc, on pense dans 100 ans, entre 50 et 100 ans, d'avoir perdu 50% de nos langues. Ouais. Donc, c'est très, très important, ça. Léa, bonne chance donc à Grenoble le 13 juin, puisque vous allez défendre votre thèse en 180 secondes, tout comme votre camarade de droite, Arthur Angèle Muller, doctorant à l'Université de Cergy-Pontoise, dans ce laboratoire SATI, Système Application des Technologies de l'Information et de l'Énergie. On redonne le titre de votre thèse, Arthur? Alors le titre de ma thèse, c'est « Étude du délai post-mortem de l'os humain par méthode ultrasonore ». Et on va écouter justement un extrait de votre prestation lors de la finale régionale. Pour que ce soit moi, je vois deux options. Soit faire la meilleure présentation, soit supprimer tous les autres concurrents. Et par chance, je sais parfaitement comment tuer quelqu'un sans être inquiété par la justice. Il suffit de bien cacher le corps et d'attendre le délai de prescription. La prescription, c'est un peu la date de péremption d'un meurtre. La police criminelle va en effet dater le squelette pour savoir si le délai de prescription est passé ou non. Mais je connais leur méthode, c'est des datations chimiques et elles manquent cruellement de précision. Et les erreurs de datation sont parfois de plusieurs dizaines d'années. Et c'est justement ça, mon travail, en tant que chercheur, hein, cette fois. C'est d'aider la police à réduire cette marge d'erreur en développant une nouvelle méthode de datation bien plus précise. Et celle-ci n'est pas chimique, mais acoustique. Oui, je date avec de la musique. Ça vous étonne ? Ah oui, ça nous étonne, Arthur Angelinier. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. C'est-à-dire que les vibrations sonores vous aident à dater un vieil os. C'est ça le but de c'est vos ça. Recherches ? En fait, les méthodes actuelles datent à partir de paramètres chimiques. Et moi, j'essaye de dater à partir de paramètres mécaniques. Donc, la structure de l'os, comment est-ce qu'elle évolue avec l'âge. Mais c'est une nouvelle méthode réellement ? C'est une nouvelle méthode qui est utilisée en médecine en ce moment, ouais. Plus pour les maladies osseuses. Mais pour la datation de l'os, c'est pas encore utilisé. Donc, il y a un problème d'exactitude pour l'instant de la datation, précisément ? C'est ça. Bon, toute méthode a ses limites, ses erreurs. Le but, c'est d'avoir un même diagnostic, donc l'âge osseux, par différentes méthodes, pour essayer de limiter, réduire les erreurs de datation. Ouais, et donc, dans votre laboratoire, vous travaillez donc sur ces études de vibration. Hein, c'est le nom exact, finalement, de votre discipline. Hein. C'est ça. Voilà. Ouais. C'est du contrôle non destructif, d'analyser les vibrations... qui traverse l'os. Et donc, c'est un travail que vous menez avec la police criminelle, on le disait tout à l'heure. Et c'est même ça. Chose, comment vous avez été amené à choisir ce sujet-là de recherche ? Et alors, ça vous fait marrer. C'est un pur hasard, ouais. Parce que j'ai pas une passion particulière pour les Maccabées. Ouais. C'était plus, j'ai fait mon stage de fin d'études dans ce laboratoire sur ce sujet de thèse. Mmh. Et il se trouve que c'est un sujet de thèse qui intéresse tout le monde. Il y a plein de séries policières, oui. Bones, NCIS, les experts. Donc, rien que le fait de parler de criminologie, ça intéresse les gens. On peut parler à tout le monde de ce sujet-là et ouais. C'est pour ça que... Et donc, c'est porteur, hein, ça voilà. Aide à avancer. Alors, ce que vous expliquez justement dans votre thèse, on pourra le découvrir à Grenoble, c'est que finalement, selon l'environnement de l'os, donc mm-hmm. du squelette, du corps, ça peut aussi influencer la datation ? Oui, alors... énormément de paramètres influent sur les datations, vu que personne a des os exactement pareils. Mmh. Et personne n'enterre ses cadavres au même endroit. Ouais. Le but, c'est de réussir à trouver un paramètre qui ne va pas évoluer en fonction de l'endroit où il est enterré, mais surtout avec l'âge. Et donc, c'est votre première année de thèse, là, sur ce sujet ? Je viens de commencer ma deuxième année. Bon. Il y a 2 mois. Eh bien, on va vous souhaiter bon courage pour la suite et merci surtout beaucoup. Pour votre prestation, donc, le 13 juin à Grenoble. On peut signaler d'ailleurs aux auditeurs grenoblois que les inscriptions sont ouvertes pour assister à la finale nationale. C'est gratuit, mais il faut aller sur le site de MT180 et vous pouvez vous inscrire pour venir avec vos amis pour encourager tous les candidats qui passent par le micro de la tête au carré le vendredi jusqu'à la finale du 13 juin. Donc, bonne chance à vous tous. MT180.fr. Et dans un instant, on part à Monaco avec vous, Sophie Bécherel. Did he jump or did he fall as he gazed into the maw of a morning mist? Did he raise both fists and say to hell with this and jest? Let the rock roll. Let it roll, let it crash down low. There's a house down there, but I lost it long ago. Let it roll, let it crash down low. See my house down low. I'd rather feel like a mortal than flail like a god on a lightning rod. History forgets the moderates. Those who sit recalcitrant and taciturn, you know I'd rather turn and burn and scale this edifice, yeah. Where's my accomplice? So take my hand, we'll do more than stand. Take my hand, we'll claim this land. Take my hand and we'll let the ride roll. Let it go, let it crash down low. There's a house down there, but I lost it long ago. Let it roll, let it crash down low. I see my house down there, but I lost it long ago. Lost it long ago. Andrew Bird, à l'instant. La tête au carré, le club. Sophie, cette semaine, eh bien, nous partons à Monaco avec vous. Avec surtout Robert Calcagno, le directeur général de l'Institut océanographique, où, je vous le disais tout à l'heure, à la fois un centre de soins pour les espèces marines et un nouvel espace d'exposition a été récemment inauguré. Cette espèce, enfin les tortues marines, très anciennes sur Terre, elles ont côtoyé les dinosaures, disiez-vous. À quoi doivent-elles leur longévité ? Elles ont côtoyé les dinosaures, mais elles ne sont pas disparues pendant la crise d'extinction des dinosaures, et c'est vraisemblablement leur caractère migrateur qui leur a permis de s'adapter, d'avoir une bonne résilience. Vous savez que les tortues naissent sur une plage, les petites tortues vont nager pendant des centaines, voire des milliers de kilomètres pour trouver des endroits où elles peuvent se nourrir, des petites proies pour des petites tortues, puis elles se redéplacent des milliers de kilomètres pour trouver des plus grosses proies quand elles grossissent, et comme ça, cette habitude de toujours voyager pendant leur vie leur a permis de s'adapter au changement des nourritures, de s'adapter aux nouvelles localisations. Ceci, ça a bien fonctionné pendant plus de 200 millions d'années, et depuis 30 à 40 ans, ça marche plus. Oui, vous disiez, il ne reste plus que cette espèce de tortue marine. Quels sont les dangers qui les menacent ? Alors, les dangers qui les menacent, malheureusement, ils ne viennent tous de l'homme. En premier lieu, la pêche, ou plutôt la surpêche, qui enlève des aliments qui ne sont plus disponibles pour les tortues. Les pollutions, et les pollutions plastiques en particulier, vous avez tous entendu qu'une tortue, ça fait pas la différence entre une sèche, une méduse ou un sac en plastique. Quand ça avale un sac en plastique, en général, ça se passe pas bien. La navigation, mais aussi l'urbanisation de nos plages. Il y a 30-40 ans, les tortues venaient pondre sur les belles plages de sable du Var. Aujourd'hui, elles ne viennent plus à cause de l'urbanisation, à cause des lumières notamment. Vous avez donc ouvert un centre de soins tout à fait récemment. À qui est-il destiné ? Est-ce qu'effectivement les pêcheurs ou les baigneurs trouvent beaucoup de tortues en Méditerranée en difficulté ? Alors notre mission est bien sûr d'essayer de travailler sur l'océan du monde, sur le plan mondial. Mais il faut agir localement, comme on le sait, et on a pensé qu'il fallait faire quelque chose. De temps en temps, malheureusement, il y a de moins en moins de tortues en Méditerranée sur la côte française et monégasque, mais il y en a quand même de temps en temps. Et on trouve souvent des tortues très faibles parce qu'elles ont avalé des déchets plastiques et qu'elles n'arrivent pas à s'alimenter, ou des tortues qui sont aussi heurtées par des bateaux, par des hélices de bateaux. À ce moment-là, il faut leur soigner, les soigner la carapace, et les réentraîner pour les remettre en mer. Mais une tortue qui a avalé du plastique, Robert Calcagno, comment on la soigne concrètement ? Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour elle ? Alors il y a plusieurs méthodes. Dans un premier temps, on va lui faire avaler de la paraffine, et en général, ça lubrifie tout ça. Et si c'est pas trop bouché, ça ressort. Si c'est pas possible, on peut faire une gastroscopie et puis enlever les morceaux en passant par la gueule de la tortue. Si vraiment il y a des problèmes plus graves, à ce moment-là, on peut aussi opérer la tortue, bien sûr. Avant, on va lui faire des radios, des échographies, des scanners, un petit peu comme un être humain. Parfois, on les équipe d'une balise. Du coup, ça permet éventuellement de suivre leur suite de vie. Est-ce qu'on a une idée du pourcentage de réussite de ces tortues qui, dans les différents centres qui existent sur le littoral français, oui, sont soignées. Les tortues sont un animal résilient, on en parlait tout à l'heure, et résistant. Et quand on lui donne une chance, il se débrouille bien. Et effectivement, ça sera un peu le prix des soins à payer par les tortues. Quand elles sortent de notre centre de soins, on les équipe d'un transpondeur satellitaire et même d'une caméra. Alors rassurez-vous, la caméra, elle va pas la garder pendant de nombreuses semaines, mais en général, elle la garde 1, 2, 3 jours, qui nous permettront de voir si elle reprend ses habitudes et ensuite de la suivre. L'été dernier, nous avons relâché une jeune tortue Kawan qui s'appelait du doux nom de Rana. Elle était restée 4 ans avec nous quand même et on était capable de la suivre à partir de Monaco jusqu'à Valence, tout au sud de l'Espagne. En parallèle, vous ouvrez cet espace scénographique qui est grandiose, avec de la lumière, enfin des effets de lumière. Pour quelles raisons est-ce qu'il vous semble nécessaire de dédier un espace complet scénographique à cette espèce, à ces espèces? Vraiment, notre mission à l'Institut océanographique de Monaco depuis plus de 100 ans est de connaître, aimer et protéger les océans. Et nous aimons bien travailler sur des espèces un peu symboliques. Nous avions travaillé ensemble sur les requins ou alors sur les méduses. Aujourd'hui, les tortues, c'est un animal symbolique qui touche les personnes. Il y a un côté sympathique qui va avec les tortues. Et ces tortues souffrent beaucoup. Ce caractère, l'odyssée des tortues, les amène à rencontrer finalement toutes les menaces que nous faisons poser sur les océans. Et notre mission est vraiment par l'intermédiaire du musée océanographique à Monaco, la maison des océans à Paris, mais aussi bien sûr le digital, la radio et autres, d'essayer d'expliquer, d'essayer de convaincre, d'essayer de faire s'engager. Vous qui plongez beaucoup, Robert Calgagnon, vous en voyez beaucoup, justement, au large de Monaco, des tortues? Malheureusement pas. La tortue la plus fréquente en Méditerranée, c'est la tortue Kawan. C'est une belle tortue, assez costaud, assez vorace, mais on en voit de moins en moins sur le nord de la Méditerranée. On en trouve encore dans le sud et en particulier dans la partie orientale. Il y a aussi des tortues vertes, mais c'est vrai que pour trouver des superbes tortues, il faut aller quand même dans les milieux tropicaux, la tortue verte, la tortue imbriquée. C'est vraiment près des récifs coralliens qu'on en trouve le plus. Est-ce que vous savez dire tortue en clic, Léa, ou pas? Je ne vais même pas essayer. Vous ne voulez même pas essayer? C'est compliqué. Hein. Quel rapport Sophie. Le public entretient-il avec cette espèce menacée? Parce qu'une étude récente a montré que plus les espèces sont emblématiques, le tigre, le lion, l'éléphant, plus finalement le risque de disparition qui pèse sur elles est important. Parce que le public croit qu'elles sont protégées, qu'il y a des fonds pour ça. Quelle est la place de la tortue? Et c'est vrai, et en plus, la tortue, pendant longtemps, la tortue imbriquée, ces écailles magnifiques ont été prises par l'homme pour faire des peignes, pour faire des bagues, et c'est un risque. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ces 7 espèces de tortues sont menacées, mais c'est pas parce qu'un jour, l'IUCN, l'Union Internationale de Conservation de la Nature, les a classées dans une liste rouge, que tout d'un coup, elles sont protégées. Il y a encore de nombreux endroits où ces tortues sont prises dans les filets de pêche. L'Union européenne vient d'obliger la mise en place de TED. Alors ce n'est pas des TED Talks, mais c'est des Turtle Excluder Device qui permettent aux tortues de sortir des filets des chalutiers. Et ça, c'est un très bon pas en avant. Mais c'est vrai, alors il y a l'effet waouh. Quand on vient à Monaco et au musée océanographique, on se rapproche de ce grand bassin de 160 mètres cubes. Et là, on voit ces deux tortues qui nagent, qui sont puissantes. Tout le monde est fasciné et reste de nombreuses minutes devant ces tortues. C'est ce qui, personnellement, m'a frappé à Monaco. Les aquariums sont tellement beaux. Je me suis demandé si cet effet waouh que vous venez de mentionner, est-ce qu'il n'a pas une contrepartie, c'est-à-dire donner l'image un peu idyllique de ce que serait la nature. On se dit, oh là là, c'est magnifique, on nous donne un petit échantillon de la nature. Alors, on le sait bien, le fond des océans n'est pas du tout comme ça. C'est vrai. Alors, vous qui connaissez bien le musée océanographique, vous avez vu qu'on a mis un grand bassin dans lequel il n'y a que des déchets. Et j'ai dû un peu me batailler contre les techniciens de l'aquariologie au musée, parce qu'ils nous disent « Oh non, non, les gens, ils viennent pour voir des beaux coraux, des magnifiques poissons de toutes les couleurs. » Et là, on a un affreux bassin plein de déchets plastiques, de boîtes de conserve. C'est vraisemblablement l'aquarium qui est le plus filmé, le plus photographié. Alors, je ne vous dis pas, je vous promets, on ne va pas transformer le musée océanographique en un aquarium. C'est la réalité. exagérer. Mais ça, on doit également montrer quelle est la réalité. De la Méditerranée, en l'occurrence. Tout là, à fait. Ouais. Même si la Méditerranée, du temps, le commandant Cousteau s'est beaucoup plaint parce qu'il a connu merveilleuse et dans les années 90, elle était très polluée. Depuis, et en particulier sur toute la rive nord, il y a de grands efforts qui ont été faits et la biodiversité est meilleure. Et alors, vous avez fabriqué un petit prospectus pour éduquer, en fait, toutes les personnes ou tous les groupes qui ont un lien avec la mer. J'ai trouvé ça assez futé. Oui, alors il y a un prospectus pour les grands, mais il y a surtout un prospectus pour les petits, parce que alors ça, c'est formidable, une chasse au trésor dans tout le musée océanographique ou du moins 2 jusqu'à la terrasse tout en haut. Ils vont chercher les pistes des tortues. Ça leur fait apprendre énormément. Apprendre en s'amusant, c'est leur meilleure façon. Merci en tout cas Robert Calgagno. Vous êtes également l'auteur d'un livre qui s'appelle Tortue Marine, la grande odyssée, qui est sorti avec l'Institut océanographique de Monaco chez Glénat. Merci beaucoup, merci Sophie, bon week-end, merci à vous amis de MT 180 et bonne finale, on se retrouve à Grenoble donc le 13 juin. À bientôt.